Audrey H., dépression postpartum, 1994. Cette rechute, plus que toutes les autres, fut difficile pour l'entourage. Les gens conservent, au-delà de tous leurs acquis intellectuels, au-delà de leur expérience et de leur sagesse, une âme d'enfant. Et lorsqu'une jeune femme se marie et met au monde un enfant désiré, il semble à son entourage que tout est dit, que le compte est fini, la partie sauvée, le bonheur enfin atteint, comme arrivage luxuriant, auquel aboutirait enfin un naufragé presque épuisé. Moi-même, je ne peux jurer qu'une partie de moi ne s'était pas lâchement bercée de ce mythe. Audrey était en couple, heureuse, Audrey devenait mère. N'était-ce pas l'accomplissement miraculeux qui effaçait toutes ses errances et donnait un sens à toute sa souffrance passée? Mais le bonheur ne se compare à aucun rivage, à aucun espace dans lequel on pourrait demeurer. Le bonheur ne s'atteint pas, il se croise, comme une ligne en perpétuel mouvement. Et la ligne de la vie d'Audrey, pleine de cassures, ne devait pas le croiser souvent. Lorsque je m'éveillais du rêve éveillé dans lequel elle m'avait tenu pendant toute sa grossesse, lorsque je repris conscience, je veux dire ma conscience de psychiatre, je compris que cette rechute avait toujours été là, écrite, invisible seulement parce qu'on ne voulait pas la voir. C'était une erreur de ne pas l'avoir prévenue et anticipée. Il y avait autour de ce berceau, comme fée ou marâtre, quatre figures féminines, deux vivantes et deux spectres, deux femmes et deux fillettes, Madame H et Jessica, la mère vivante et le bébé mort, Laure et Margot, la mère morte et le bébé vivant. Comment Audrey pouvait-elle avancer dans ce labyrinthe? D'un côté, la mère vivait, égoïste et méchante, en tuant symboliquement sa fille. De l'autre, la mère se laissait mourir, abandonnant, avec une radicalité terrifiante, son bébé. Quelle voie s'offrait à elle, entre la mère qui abandonne et celle qui tue? Comment l'esprit perméable et torturé d'Audrey pouvait-il réagir devant un tel dilemme? C'était comme choisir entre son bébé et elle, comme si les deux ne pouvaient survivre, comme si la relation mère-enfant, intrinsèquement et radicalement, était impossible. Audrey ne put pas s'occuper de son enfant. Elle ne put ni le porter dans ses bras, ni le nourrir, ni l'habiller, ni le toucher pendant plusieurs semaines. Mais cette fois-ci, Audrey ne fut pas hospitalisée. Son compagnon décida de s'installer avec elle et le bébé, un petit garçon nommé Sacha, à la Pommeraye, où il était soi-disant plus facile pour tous de gérer les membres les plus grêles de cette famille meurtrie. La présence des deux enfants mit dans la demeure une artificielle atmosphère de vie qui permettait à tout le monde de se raccrocher à une illusion de normalité. Audrey passait le plus clair de son temps dans sa chambre, alitée, la tête alourdie et les yeux mi-clos, écrasés de médicaments. Son compagnon se partageait entre elle et le petit, à qui il prodiguait les soins les plus maternels possibles. Il ne laissa jamais Madame H. occuper cette fonction, qui avait d'ailleurs fort à faire avec Margot. Je rendais visite à Audrey deux ou trois fois par semaine, ajustant les prescriptions, évaluant des progrès qui me désespéraient par leur lenteur. Un soir, alors que M. H. m'en raccompagnait, je pus lui parler seul à seul. « Ne pensez-vous pas, M. H., qu'il faudrait qu'Audrey soit hospitalisée? Vous pensez que c'est nécessaire ?» demanda-t-il avec anxiété. « Je pense que ses progrès sont plus lents lorsqu'elle se trouve dans son milieu familial. Je pense que sa guérison serait plus rapide à la clinique. » « Je ne sais pas quoi vous dire, docteur Michel. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Nous répugnons à la séparer de son enfant et... Excusez-moi, Monsieur H., mais elle ne vit pas avec son enfant. Elle passe toutes ses journées seule dans sa chambre. Quelle différence cela ferait-il? Le papa le lui amène. Elle reste en contact avec lui. Peut-être qu'à force, l'envie lui viendra de le prendre. Ne vous méprenez pas, Monsieur H. Audrey a envie de le prendre. Elle donnerait tout ce qu'elle a pour pouvoir le prendre dans ses bras. Mais elle le rejette si violemment. Non, ne parlez pas ainsi. Elle ne le rejette pas. C'est juste qu'elle ne peut pas s'en occuper, vous savez, comme un paralysé qui voudrait marcher mais qui ne peut pas, parce que sa moelle épinière est brisée. Monsieur H. me regarda, incrédule. Il essayait manifestement de comprendre et de croire ce que je lui disais, mais cela ne rentrait pas dans les cases de son intelligence. « Ce n'est pas grave si vous ne me comprenez pas, du moment que vous ne la jugez pas. « J'aime ma fille, murmura-t-il, mais c'est parfois si décourageant, si déconcertant. Elle était si heureuse et tout à coup, sans crier gare, tout recommence. » Il refoulait des larmes de lassitude, d'apitoiement sur lui-même, d'impuissance. Alors c'est non. Sa mère ne voudra pas. Pour des raisons de réputation. Monsieur H. hocha la tête. Avez-vous prévenu son amie Hélène au Canada? Oui. Invitez-la à passer quelques jours. Payez-lui son billet. Vous pensez que ça pourrait lui faire du bien? Je ne sais pas, monsieur H. Je tâtonne. Ma science n'est pas exacte. Et vous ne me laissez pas les coudées franches. Mais oui, je pense que cela pourrait lui faire du bien. Et débloquer quelque chose. Je vais en parler à ma femme, promit-il. Je jetai un œil sur la vaste demeure qui, de l'extérieur, résonnait de vie et de cris d'enfants. La piscine impeccable, d'un bleu azur, les rideaux fleuris, les propriétaires si parfaits dans leur rôle de grands-parents. Tout s'orchestrait magnifiquement, et de l'extérieur, qui eût pu croire qu'une jeune femme nourrie à la cuillère traînait une existence misérable entre les quatre murs de sa chambre. Je pris congé de M. H. ce soir-là, avec un pressentiment imprécis et désagréable. Je n'avais pas le pouvoir de forcer Audrey à venir dans ma clinique. D'ailleurs, elle ne le souhaitait pas, répétant, quand elle fut en état de parler, qu'elle était une charge moins lourde en restant à la Pommeraye. J'échouai encore une fois à la faire parler. La douleur était si vive, si comparable aux plaies d'un grand brûlé, qu'on ne pouvait sans cruauté appuyer dessus. Je lui parlais, et elle m'écouta, en pleurant silencieusement comme à chaque fois qu'elle se sentait comprise. Je lui dis qu'elle n'avait à ressembler ni à sa mère ni à Laure, qu'elle n'avait pas à mourir ni à tuer. Je lui dis qu'il y avait un moyen pour devenir une mère aimante. Je lui parlais de mon épouse. Je lui parlais d'Hélène. Je ne sais plus ce que je mis dans ce long discours crépusculaire que je m'autorisais un soir contre toutes les habitudes de ma profession. Mais il me semblait qu'il fallait aller jusqu'à elle, puisqu'elle ne pouvait venir jusqu'à moi. Audrey suffoqua, pleura beaucoup. Puis sa respiration s'élargit, et la vie parut moins pesante sur sa poitrine. Elle m'offrit un sourire si chiffonné, si mouillé, qu'il ressemblait peut-être à une grimace, et je la serrai dans mes bras, longuement, paternellement. Audrey avait retrouvé le courage d'affronter la vague. Lentement, en plusieurs autres semaines, elle revint à la vie. Elle recommença à se nourrir. Elle recommença à parler à tous les membres de sa famille. Elle se leva, elle se lava, elle s'habilla. Elle marcha dans la maison. Elle vint voir le petit Sacha. Elle le toucha. Elle recommença à rire lorsqu'Hélène arriva. Elle tint son enfant, d'abord un instant, puis quelques minutes, puis elle le garda contre elle des journées entières. Elle se fit photographier avec lui des dizaines de fois dans toutes les pièces de la maison. Elle mit un peu plus longtemps à le nourrir. Et enfin, ils rentrèrent chez eux.